ça prend colo qu'un pesé. Je dis à messieurs, nous mêmes garçons, ça c'est tout pas non. Non, non, mais plein bête méchant, la bête qui compte manger mon. C'est pas vrai que seulement pour votre mauvais nom. Hier, nous t'avons raconté sa femme colo qu'un pesé. Je dis à messieurs, nous mêmes garçons, ça c'est tout pas non. Non, non, mais plein bête méchant, plein bête qui compte manger mon. C'est pas vrai que seulement pour votre mauvais nom. La cosa malheureuse est à vos diables. Li wont, li gêne, de ses petites têtes, il a pas de. Enfin, garçon Golon, ça y est, il y a un système. Par exemple, avec mon fille, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de faire effort pour faire des bagailles. Ratisez notre drive, vous le voyez. Il a été malade dans la. Il a été malade dans votre coup de cache, dans votre sachet femme. Il a fait un souk qui est pantalon. Il a dit Jean, non, c'est pour fréquentité. C'est dans le drive pour vous. Et au papier avant, papa, c'est comme dans la caille là. Bon. Bon, on a pas grivé encore. Monsieur, pas bon, monsieur. D'abord, il a fait un ballon 10 gouttes. C'est dans 10 gouttes là. Vous pouvez prendre un petit clé dans la zone. Cigarette ou. Glace. Respondant, c'est pour venir pour le faire manger, pour le mettre sous les barres toujours. Mes amis, on met le sort. Ça sont fait exprès, non. Ça va bon, pas bon, monsieur. Mais je dis, comme tout le monde dit, nous, c'est réveillé, on a toujours serré pour me battre, et me battre, ma balle, on a pour nous. Oui, c'est malhonnête. Où est garçon que l'on s'arrête? Next, c'est un système, par exemple. Yo pas voulu tenter, par exemple, pour madame ta goutti bonne. Dis tout, non, quand là. Depuis, elle l'a pourri. L'en quatre pattes, là, c'est chapitre, l'en quatre pattes. Alors, pas de 20 pour lui. là le passé dit maintenant le bain en fleuraille. La mer elle est oui, on break, on break, on break. Au fond, là le bagage, on s'est sorti, il a pris rien à caille là. Je l'ai sous table, c'est mon abgadi. S'il va y avoir manger, attendez. Blau, blau, blau. Mes amis, il va bon, c'est que tu as tué malheureux, t'as pas bon du tout. Alors on le bagage, oui. Bah, très important. Yo mange du. Yo bre du. Yo fume du. Yo dormi du. Yo pas travail du. Yo fait tout à fait yo du. Et puis, yo pas laisser madame yo fréquenter voisinage. Yo pas bon pour du. Garçon colon. Garçon colon, garçon qui enragé. Donc qui est fait. Garçon colon, garçon toujours pas femme. Donc qui est fait. Garçon colon, garçon qui déchaîne. Donc qui est fait. Garçon colon, garçon papa et femme l'argent. Donc qui est fait. Garçon colon, garçon qui déchaîne. Donc qui est fait. Garçon colon, garçon papa et femme l'argent. Donc qui est fait. Donc qui est fait. Donc qui est fait. Donc qui est fait.